vous avez un ancien message. Aujourd'hui, à 14h20. Oui, bonjour, cher Henri. Je voulais vous inviter avec votre femme pour une fête avec Nofiola, Christine, Marianne, il y aura Charles-Louis, l'autre. Il y aura Charles-Michel, il y aura Jean-Michel et plein d'autres encore. Donc c'est 10 rue Marcel-Dupré, vendredi soir. Au revoir et à bientôt.